and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas puisque la chaleur s'installe dans nos maisons et dans nos transistors également. C'est un nouvel épisode inédit de Music and the City, c'est tout de suite sur Fadjet. Et oui, comme chaque semaine, les lundis, on se retrouve pour échanger ensemble sur des artistes de tout horizon, de tout style. Et ce soir, une jolie programmation où nous aurons la joie de découvrir un groupe suisse, mais également de revenir sur un DJ mondialement connu et sur une série télévisée des années 90, rien que ça. Mais on en parlera plus tard. Pour le moment, on démarre cette 40e émission avec la belle Isa Ferrer et un titre tiré de son dernier EP. La chanson s'appelle « Bouquet d'impatience ». C'est un up-tempo bien maîtrisé qui reste en tête et qui m'entête d'ailleurs depuis quelques semaines déjà. Mais bon, je vous laisse découvrir la dite chanson. On se retrouve dans quelques minutes. Bon appétit à vous. On est sur Fadjet jusque 20h. Le cœur en gomme, chaque erreur l'entame. En mal d'homme, j'en oublie la femme. Trop de spam, de paroles en l'air. Trêve de larmes, mascara trop chère. Sans part dans l'indifférence. Silicon the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. L'année scolaire se termine et qui dit fin du calvaire pour nos étudiants dit surtout vacances. C'est une tradition en France, on le sait, les vacances de juillet août, c'est l'occasion de se reposer, de prendre du recul sur l'année qui vient de s'écouler et de complètement déconnecter du boulot. Bah, le boulot, ça se résume quand même à une énorme partie de notre vie sur cette terre. Bon, la journée d'aujourd'hui se termine, on est lundi, c'est vrai que le lundi c'est jamais la journée la plus drôle. C'est sûr qu'après un bon week-end, on a envie de rester chanter tout l'été comme la cigale et d'envoyer balader notre fourmi. Petit message justement porté par une chanteuse que j'aime beaucoup, Beth Ditto, du groupe Gossip, avec une super chanson issue de l'album A Joyful Noise, souvenez-vous, ça s'appelait Get a Job, et c'est tout de suite sur Fadjet pour nous évader un petit peu du train-train quotidien et mettre un petit peu l'accent également sur le boulot. Voilà. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. your inheritance. Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Si on connaît l'art musical suisse grâce à Patrick Juvet, vous allez d'autant plus apprécier le groupe qui suit. Et oui, un petit peu d'évasion au pays du chocolat et des vertes prairies souvent enneigées, avouons-le. Les Beyond the Door, c'est la rencontre de deux copains et de Marisa, jeune et jolie chanteuse suisse. Si le groupe n'a travaillé ensemble que le temps d'un mini-album avant de se séparer, ils ont quand même posé leurs griffes sur quelques compos franchement cool que j'aime beaucoup. Mais comment je les ai connus, me direz-vous ? Tout simplement parce que Marisa est une amie. On s'était rencontrés lors d'un concert, on a tout de suite sympathisé par les musiques, bref, on était fait pour s'entendre. Alors ce soir, je voudrais lui faire une grosse bise puisqu'elle nous écoute depuis la Suisse. Parce que Fadjet, c'est ça aussi, c'est l'international. C'est rencontrer des artistes de partout qui nous écoutent grâce à la magie d'Internet et du site fadjet.net, et ça c'est top. Alors tout de suite, moi je vous invite à découvrir une de leurs chansons, Paloma, en exclu sur Fadjet. Yeah. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Hello, Samantha. This is WCDA. Are you there? En préparant cette émission, je m'étais promis que je ne ferais pas cette blague, mais c'est plus fort que moi. Ça permettra justement de faire l'introduction sur l'artiste qui suit. Alors on y va, allez. Puis après on l'oublie, hein, vraiment. Dieu a demandé à David de guetter, alors David guetta. Voilà, applaudissements, merci, c'est terminé. David Guetta, on le connaît, on ne le présente plus, a fait participer bon nombre d'artistes français ou internationaux sur ses compositions, surtout en 2011 pour l'album phare Nothing But The Beat. D'ailleurs, il a fait venir une jeune femme, une star montante des États-Unis, un succès un peu moindre en France, si je vous dis Jennifer Hudson. Ah, le nom vous parle, je le sais. Alors, elle a participé au projet de David Guetta, a posé sa voix sur l'excellent titre Night of Your Life. Je pense que c'est un tube qui aurait pu déboîter les charts mondiaux s'il avait vraiment été choisi en qualité de single, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, Jennifer Hudson, pour revenir à elle, faites un petit tour sur Wikipédia, ça va vous revenir, ou alors regardez Sex and the City, le film, le premier du nom, parce que la belle Louise, c'était elle. Et cette voix, elle est inoubliable. Looking at me, I feel your eyes on me like you gotta have. 19h30, 20h, Music and the City sur Fadjet. Alors qu'on vient d'annoncer un horrible reboot pour la série Charmed, j'en suis malade déjà d'avance, prions pour que l'affront ne se produise jamais pour la série Buffy contre les vampires. Non, parce que la série a tout de même lancé des codes uniques pour l'époque, hein, on rappelle les années 90, ça a lancé le girl power, ils ont quand même fait mourir l'héroïne dans la série à deux reprises, ils l'ont fait tomber amoureuse du diable en personne. Il y a aussi eu la mise en avant d'un couple lesbien, c'était un peu nouveau à la télévision à cette époque, surtout pour des heures de grande audience. Ils ont proposé un épisode muet, un autre épisode mais cette fois-ci musical. On va dire que l'imagination du papa des Avengers, Josh Whedon, était déjà pas mal complète dans les années 90. Bah tiens, en parlant de l'épisode musical justement, petite anecdote, est-ce que vous saviez que seule Alison Hannigan, qui interprétait Willow, a refusé de chanter mais que Josh Whedon lui a quand même donné juste une phrase à chantonner, histoire de... Et justement, saviez-vous que pendant longtemps, la bande originale de cet épisode était la BO de série la plus vendue dans le monde, oui. Allez, petit moment souvenir là, on est sur cet épisode dans Music and the City, avec le seul et unique single de l'épisode, Walk Through the Fire, qui réunit tous les comédiens de la série dans une chanson très poignante, où Buffy, interprétée par Sarah Michelle Gellar, revenue d'entre les morts quelques épisodes plus tôt, regrette la plénitude du paradis et pense que l'enfer se trouve bien sur Terre. Et d'ailleurs, saurez-vous reconnaître toutes les voix originales des acteurs dans cette chanson ? Am I leaving Dawn in danger? Is my slayer too far gone to care? What if Buffy can't defeat it? Beady eyes is right where needed. Or we could just sit around and glare. We'll see it through, it's what we're always here to do. So we will walk through the fire. So one by one they turn from me. Guess my friends can't face the cold. What can't we face? But why I froze, not one among them knows, and never can be told. She came from the grave, much graver. First he'll kill her, then I'll save her. Everything is turning out so dark. The most. No, I'll save her, then I'll kill her. What if these lines will see to learn? It's going to hit to strike a spark. These endless days are finally ending in a blaze, and we are caught in the fire. The point of no return. So we will walk through the fire and let it burn. Let it burn. Music in the City sur Fadjet. Fin de l'émission, Music in the City se termine sur Fadjet. Bien évidemment, retrouvez le podcast de cette émission dès demain matin sur Fadjet-Music in the City via la plateforme Mixcloud et vous pouvez aussi retrouver l'émission en replay, en rediffusion, le samedi à 18h30. Petite nouvelle quand même pour l'émission qui se terminera le 30 juin. Et oui, malheureusement, l'émission devra se terminer. Je ne pourrai pas remplir l'an prochain pour des raisons de timing. Mais par contre, je vous propose une grande surprise puisque le 30 juin, il y aura une spéciale 1h. Et oui, c'est un samedi. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine puisqu'il y aura quand même l'épisode inédit la semaine prochaine, bien sûr. Allez, à ciao, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye.